get mummy. No drones up in the sky today. Menace, nous faire croire qu'on est en guerre. Encore et encore. Another war. Assez du capitalisme, du spectacle total. Marchandises, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, tu le sais, tu le sens, qu'on le sent. Remontez-moi le moral. Remontez. Taking control of your house. House. House. I want to take control of your house. Take control. Beaucoup d'endroits. Des gens ne sont pas bienvenus. Oh non. Affaire judiciaire. Pas tranquille, pas posé. Besoin d'un ancrage. maison.